Merci. Alors, je vais effectivement commencer par décrire à très grands traits le projet général de l'enquête et ce qu'était son objet, ne serait-ce que pour pouvoir situer mon intervention du jour et finalement l'ensemble plus général dans laquelle elle prend place. Donc, comme ça a été dit, hein, le projet initial était partir d'un constat que dans les courses de demi-fond et du fond au niveau international, les Kenyans, les Éthiopiens et à l'époque les Marocains, c'est plus vrai aujourd'hui pour les Marocains, mais gagnaient tout. Voilà, une domination sans partage au niveau sportif dans ces épreuves. Et les discours qui s'imposent face à cette situation sont étaient des discours naturalisants qui référaient ces succès à des propriétés fondées en nature. En gros, ils sont naturellement plus doués pour les courses d'endurance. Et si je résume en une phrase, ce qui était mon intention de départ, c'est de dire, bah non, c'est du social. Voilà. Donc, du coup, pour des raisons pratiques, je me suis focalisé sur le cas des athlètes marocains. Première étape de ce travail consistait à essayer de rendre compte de ce qu'étaient les conditions collectives de réussite du groupe des coureurs marocains. Voilà. Comment se fait-il que les ressortissants d'un pays donné, à un moment donné, réussissent massivement dans un sport donné. Et je ne vais pas vous faire... je veux vraiment vous la faire courte parce que ce n'est pas l'objet de la présentation, mais l'idée c'était de dire que c'était le produit d'une double construction sociale. D'abord, une construction sociale de l'offre, enfin ce que j'ai appelé comme tel. Et donc l'idée c'était de rendre compte des conditions socio-historiques qui étaient au principe de la entre guillemets, spécialisation du Maroc dans la production de coureurs à pied. Et donc là, de manière assez régressive, finalement, j'ai été amené à travailler sur archives, notamment mettre l'importance de la période coloniale, enfin la période du protectorat, dans l'émergence, cette idée que les Marocains sont faits pour courir, et dans la mise en place d'institutions spécifiques, spécifiquement dévolues à la fabrication de champions, et qui ont été reproduits après l'indépendance, et relayés, notamment, et remis vraiment en place à partir des années 80. Et donc, voilà, pour vraiment vous la faire très très courte, il y a au Maroc une institution totale de fabrication de champions en course à pied, et ça n'existe pas dans les autres sports. Et ça, ça procède aussi à la base d'une logique de détection systématique des meilleurs coureurs, donc il y a vraiment un travail systématique de repérage et de formation des coureurs. Et d'ailleurs, cette institution, pour X raisons, a un peu capoté progressivement à compter du milieu des années 2000, et ça correspond à une période par laquelle il n'y a plus aucun champion marocain qui a émergé depuis ce moment-là. Donc ça, c'est construction d'une part de l'offre, et d'autre part, ce que j'appelais construction de la demande, c'est l'émergence d'une forme de professionnalisme tout à fait particulière en athlétisme à compter des années 80, donc au même moment. Pourquoi particulière? Puisqu'il n'y a pas de salarié en athlétisme, c'est uniquement de la rémunération à la prime, et avec une grille de répartition des gains qui est sans commune mesure, même avec ce qu'on pouvait voir là, c'est-à-dire que ce qui correspond à un U17 du PSG peut correspondre au salaire d'un athlète qui est 20e mondial. Donc, pour la faire courte, encore une fois, je suis arrivé d'héberger dans une chambre de 9 mètres carrés un athlète qui a fait 6e championnat du monde l'année d'avant. Donc, il y a vraiment concentration des gains sur les athlètes les plus reconnus, et tous les autres, pour le dire très vite, sont en gros les prolétaires de la performance, mais qui sont utiles à la performance, pour qu'il y ait un vainqueur, eh bien, il faut qu'il y ait des rivaux. Et donc, voilà. Donc, la majeure partie des coureurs professionnels, finalement, sont relativement interchangeables, et servent, je caricature à très grands traits, mais à permettre la mise en valeur du champion. D'ailleurs, les compétitions sont organisées autour de ce principe-là. L'organisateur fait venir un champion et remplit, soit à 1500 mètres, il y a à peu près 15 coureurs au départ, mais il contractualise 6 mois à l'avance avec le grand champion, et les autres athlètes, ils les sélectionnent une semaine avant, parce qu'en gros, ils n'intéressent pas. Quoi. Ils n'intéressent pas les spectateurs non plus. Et donc l'idée, c'était que si finalement, le produit de la rencontre entre ces deux histoires, hein, l'histoire de l'athlétisme au Maroc et l'histoire de l'athlétisme international, eh bien, qui conduit au succès conjoncturel donc, de ces athlètes qui sont donc produits dans certains pays et qui sont voilà, très performants sportivement et qui sont prêts à supporter les conditions qu'offre ce nouveau marché, puisqu'on peut objectiver qu'à mesure que ce marché se met en place, les coureurs européens désertent ce circuit. Je ne ferai pas la démonstration, mais je pourrais revenir en discussion si vous voulez. Donc ça, c'était le premier temps. Et le deuxième temps, qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, était une enquête ethnographique qui visait à se dire, bon, voilà, c'est bien beau d'avoir mis au jour les conditions qui sont au principe du succès d'un groupe, mais si le but c'est de montrer que l'explication par le don ne tient pas, ne peut pas se contenter de ça, il faut aussi montrer quels sont les principes d'engendrement des différences entre les membres de ce groupe. Qu'est-ce qui fait qu'un d'entre eux va devenir Elguier Rouge, le meilleur coureur du monde, et que d'autres auront une carrière beaucoup plus modeste. Et j'ai fait donc un travail ethnographique qui visait à rendre compte finalement des différentes étapes d'une trajectoire, et avec un souci qui était celui de l'extension diachronique, donc rendre compte des trajectoires dans leur durée, mais aussi une précision synchronique. Et c'est ce que permettait l'ethnographie, c'est-à-dire essayer de permettre de rendre compte finalement de tous les éléments qui, bien qu'étant a priori extérieurs à la scène athlétique, finissent par déterminer la performance. Vous en aurez quelques illustrations tout à l'heure. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai mené un travail ethnographique, aussi bien au Maroc qu'en France, et en accompagnant dans les deux cas des athlètes au quotidien et dans toutes les sphères de leur existence, qui étaient facilitées pour moi dans la mesure où j'étais moi-même coureur d'un niveau national et que donc je pouvais m'insérer dans leur existence relativement aisément. Aujourd'hui, je m'intéressais uniquement sur le versant marocain de l'enquête, et même sur une partie seulement du versant marocain, puisqu'il y a une partie qui concerne finalement les athlètes débutants, quand ils sont encore dans leur quartier. Et il y a un deuxième versant de l'enquête marocaine qui correspond plutôt finalement à l'équivalent des centres de formation lorsque les coureurs intègrent l'institution étatique, la machine à fabriquer des champions. Et donc cette enquête s'est déroulée dans un quartier populaire de Rabat. Donc j'y ai passé au total environ 5 mois, donc il y a eu plusieurs séjours. Et j'y vivais, soit en étant hébergé chez des athlètes, ou chez les parents d'athlètes, ou en ayant à certaines phases mon propre domicile. Je m'y entraînais, et aussi et surtout, en fait, comme je ne connaissais personne d'autre au Maroc que des athlètes, en fait, mon quotidien était de fait encadré du matin au soir avec les athlètes, avec la difficulté notamment de transcrire ce que j'observais, puisque en fait, il y avait toujours des coureurs autour de moi, si je caricature un petit peu, et donc c'était pas toujours simple de gérer ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que je connaissais les athlètes, je connaissais leur famille, dans certains cas la famille élargie, les cousins, les grands-parents, etc. Et du coup, la connaissance que j'avais d'eux n'était pas cantonnée à la seule sphère athlétique. Et j'ai principalement travaillé sur des athlètes masculins, et aujourd'hui je vais évoquer uniquement les athlètes masculins, donc je reviens dans le livre pourquoi ce choix, en fait qui est un non-choix, puisqu'il m'a été très difficile d'enquêter auprès des athlètes féminines, mais au-delà de l'obstacle, le fait que ces difficultés étaient très parlantes du point de vue des rapports sexués, des rapports sociaux de sexe au Maroc. Alors cette évocation des rapports sociaux de sexe me conduit à faire quelques précisions, et dernière précision avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet. C'était donc, vous l'aurez compris, hein, l'objet de l'enquête, c'était en gros de rendre compte comment on devient champion. Donc ce n'était pas du tout, hein, comme le travail de Nicolas, c'était très différent, et donc il ne s'agissait pas de rendre compte des formes d'investissement différentielles qui pouvaient être à l'œuvre chez les athlètes masculins et chez les athlètes féminins. Donc il y a pas mal de travaux dans le cadre de la sociologie du sport qui sont intéressés à ça, mais c'était pas ma question. De même, il ne s'agissait pas de rendre compte des différences sexuées dans les façons d'être athlète, comme pareil, Nicolas a pu le faire. Je ne suis pas parti de ces questions-là. Dernière petite parenthèse avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, c'est préciser, et notamment, je pense par contraste par rapport au football, l'athlétisme est un sport comme un peu différent du football, ou par exemple de la boxe. Je parle de la boxe, que le livre de Vacan est peut-être un des travaux sur le sport les plus connus. C'est que on ne peut pas, ou en tout cas on ne peut plus le décrire comme relevant d'une masculinité hégémonique, au sens, alors, même si bien sûr il sépare de façon radicale les concurrents masculins et les concurrentes féminines, il y a des espaces de compétition, c'est pas les mêmes épreuves, ils ne concourent pas ensemble. Mais néanmoins, il y a une cohabitation sur le stade des concurrents et des concurrentes, chose qui n'existe pas au football, hein, et ça vient d'être précisé à quel point c'est vraiment un entre-soi masculin. Là, donc on a bien une séparation radicale des espaces de consécration, il y aura une championne du monde et un champion du monde, mais au quotidien, il y a une cohabitation. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette cohabitation, c'est que alors même que, donc c'est sur le même stade, en plus le stade c'est un lieu clos, la piste est 400 mètres, qu'il y a certaines femmes qui courent plus vite que certains hommes, et comme c'est chronométré, que c'est chiffré, voilà, c'est incontestable. Quelqu'un qui court le 800 mètres en 2,02 court plus vite que celui qui court en 2,03, quel que soit le forme de déni qu'on veut projeter là-dessus. Et donc, je ne dis pas du tout que c'est un sport qui annule les différences, mais en tout cas, elle se configure peut-être différemment que dans d'autres sports. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, moi ça m'est arrivé d'observer des scènes où une athlète marocaine qui a gagné un titre de champion du monde, en fait, avait des sparring partners masculins. En fait. Donc là, c'est intéressant comme scène, finalement, c'était les hommes qui étaient au service de cette championne. Donc, voilà pour ce préambule, hein, donc bien pour préciser et faire vœu de modestie, en disant voilà, que je ne suis pas un spécialiste sur des questions qui vous intéressent principalement. En tout cas, ce n'est pas par ces questions-là que je suis entré. Alors, j'espère que vous ne serez pas inquiet, inquiète en vous disant qu'il y a une erreur de casting manifeste. J'espère vous prouver que non, vous montrer que je ne suis pas en décalage complet avec l'intitulé du séminaire. Bon, d'une part, parce que les athlètes sur lesquels j'ai travaillé sont milieux populaires, donc au moins pour la moitié de l'intitulé, je suis dans le vrai. Et d'autre part, pour ce qui est des questions, on va dire, du genre, j'ai très rapidement été amené à me questionner et j'ai rencontré sur mon terrain des dimensions qui relevaient de ce registre. Donc, j'en viens au fait et à l'enquête proprement dite. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai travaillé sur des coureurs issus d'un quartier populaire de Rabat. Donc, il s'agit d'une population qui était représentative de la population athlétique au Maroc. Donc, j'ai fait des questionnaires au championnat du Maroc, enfin, à différents endroits, pour essayer de savoir qui étaient les coureurs. Ces données n'étant pas disponibles, je les ai construites moi-même. Et voilà, qui sont les athlètes au Maroc? Donc, déjà, tous sont des urbains. Enfin, quand je dis tous, c'est supérieur à 90%. Donc, c'est intéressant parce que, quand je disais qu'il s'agit de dénaturaliser les croyances quant au succès des coureurs, en fait, on est très loin du mythe du blédard qui développe des facultés d'endurance exceptionnelles en enlevant des chèvres dans la classe, mais qui est l'image dans la presse qui est dominante. Donc là, ici, c'est des urbains, et moi-même, j'étais au début prisonnier de ces clichés, et sachant que j'ai commencé la thèse en ayant une formation sociologique très minimale, finalement, je me disais que comme il s'agit de lutter contre, dire c'est pas du biologique, ça pourrait relever du culturel, donc ça pourrait être dans mon cadre. Puis, je posais un peu la question naïvement, savoir, et j'étais à chaque fois un petit peu déconcerté en me disant, moi j'habitais à Gaza, moi j'habitais à Rabat, moi j'habitais dans les grandes villes. Donc là, et puis même El Guerrouj, par exemple, donc, qui est devenu le meilleur du monde, lui, quand je pose la question, parce qu'il y a aussi un des grands mythes comme quoi les coureurs africains iraient à l'école en courant, donc je pose la question, pourquoi en Afrique les gamins seraient pressé d'aller à l'école, alors partout d'ailleurs, ils vont plutôt à reculons, mais néanmoins, c'est une idée qui est perpétuellement rappelée. Et El Guerrouj m'expliquait que, en fait, la maison de ses parents était juste en face du collège, donc il avait qu'à traverser la rue, et qu'avant d'être coureur à pied, il avait été gardien de but au football, qui n'approuvait pas le poste dans lequel on court le plus, donc pour développer de l'endurance, c'est a priori là qu'elle... Voilà. Donc, première chose, c'est des urbains. Deuxième chose, ils sont milieux populaires, donc quasi exclusivement. Et dernière propriété distinctive, tous ont été scolarisés et scolarisés dans le secondaire. Ce qui, au Maroc, comme on l'enquête, est loin de concerner l'ensemble de la jeunesse. Et voilà, très rapidement, ce qui positionne la population enquêtée, et je reviendrai sur l'importance du vécu scolaire. Donc, si je vous rappelle tout ça, c'est parce qu'il ne faut pas perdre de vue, finalement, qu'avant d'être des coureurs, ces jeunes sont des jeunes urbains de milieu populaire. Et quand je dis avant, c'est au sens bien sûr chronologique, hein. Ils ont d'abord été des jeunes avant de courir, mais aussi au sens de avant, au sens d'avant tout, enfin, du point de vue de la profondeur, de la sédimentation des dispositions de son porteur. Ouais, ils sont avant tout des jeunes de milieu populaire qui, à un moment donné, vont se mettre à la course. Et cet avant est important puisqu'il détermine leur façon d'entrer dans la course et leur façon de s'y investir. Et encore une fois, pour bien comprendre cela, il faut aussi voir comment ils entrent dans la course, et que ce soit par entretien rétrospectif ou par des jeunes que j'ai vus commencer la course, ce qui est intéressant, c'est que tous et toutes débutent la course alors qu'ils n'aimaient pas ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent dans les récits. Ils racontent qu'ils trouvaient ça trop dur, pas amusant, etc. Mais tous racontent aussi qu'ils ont débuté la course suite à un succès, notamment un succès dans le cadre d'un cross scolaire. Donc le cross, tout le monde visualise ce que c'est, sinon il y a un prof de PS qui pourra vous dire, mais c'est peut-être ce que vous avez subi quand vous étiez un peu plus jeune. Voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, en fait, ils s'engagent dans la course parce que c'est un espace de possible consécration. C'est pas parce qu'ils aiment ça, mais c'est parce qu'ils y ont du succès. Et cette entrée dans la course ne se fait pas complètement en apesanteur sociale. Il y a un travail très précis de cadrage, de repérage par l'institution, par la Fédération marocaine d'athlétisme. Donc comment ça procède ? Ben, en fait, c'est qu'à l'issue des crosses scolaires, il y a à chaque fois des entraîneurs, des sélectionneurs qui disent aux premiers, aux premières, ben, toi tu es fait pour courir, viens nous voir. Donc là, je le dis sur un mode un peu trivial, mais il y a bien ce travail d'accompagnement. En fait, la victoire à elle seule ne suffit pas, mais il y a un travail d'accompagnement qui est opéré, et aussi qui s'accompagne d'un travail d'inculcation de la vocation, d'inculcation de l'idée qu'ils sont porteurs d'un don et qu'ils se doivent de le développer. Par exemple, ce qu'on leur dit fréquemment, c'est toi t'es le prochain El Guerrouj, toi t'es le prochain Aouita, donc pour donner les noms des deux plus grands champions marocains des années 80, 90, 2000. Et ici, finalement, ce qu'on peut observer est très proche de ce que Charles Suau a pu faire dans ses travaux sur la vocation, donc en gros le processus par lequel on devient curé. Voilà, la foi ne frappe pas au hasard, il y a des conditions sociales et il y a un travail très précoce d'encadrement par l'institution catholique, puisque c'est le cas sur lequel il a travaillé, qui contribue à inculquer cette vocation. Et là, on retrouve des choses tout à fait similaires. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce travail de marquage ne peut être doté d'une efficacité que parce qu'il rencontre des jeunes qui sont disponibles et disposés à y croire. Je ne suis pas sûr que les jeunes qui sont au centre de formation, si on leur dit qu'ils sont bons en course à pied, il faut qu'ils aillent courir, et ils vont trouver leur capacité oratoire, ils vont trouver une formule cinglante pour dire « Dégage, j'en ai rien à foutre de ton sport, de ta fiole, ou je ne sais pas quoi, etc. » Donc voilà, ce qui va déterminer qu'ils sont disposés à y croire, bah, c'est ce qu'ils sont précisément avant. Et c'est là que le travail ethnographique est intéressant, et le fait d'accompagner ces jeunes au quotidien, eh bien, permet de montrer que leur horizon, je dirais, modal, est celui de la relégation. C'est en fait ce dont ils font l'expérience au quotidien, eh bien, cette forme de relégation qui se redouble. Ils intériorisent très rapidement que l'école, ça ne sert à rien, et quand on regarde les statistiques, on peut difficilement leur donner tort. Néanmoins, donc, ils intériorisent l'idée que l'école ne mène à rien, mais elle fait néanmoins naître chez eux des aspirations qui font qu'ils n'acceptent plus les formes d'emploi, les seules formes d'emploi qui sont accessibles pour eux, c'est-à-dire les formes d'emploi sous-prélotarisées. Je détaille dans le livre quelques séquences de ce point de vue-là. Et du coup, école qui mène à rien, pas de travail, ou des travails qui ne font que ponctuellement un travail dont ils ne veulent pas. Et ça a des conséquences d'autant plus dramatiques pour ces jeunes hommes, c'est qu'au regard de la façon dont sont envisagés les rapports entre les hommes et les femmes au Maroc, eh bien, ça signifie aussi pas de vie affective, pas de vie sexuelle, autre que clandestine et éphémère, hein, comme le disait Younes, hein, donc un de ceux dont j'étais le plus proche, si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas avoir de femme, parce que tu ne vaux rien. Alors, c'est une formule condensée, mais qui résume, je pense, assez bien le ressenti, qui est celui de ces athlètes. Et pour prolonger un petit peu cette séquence, il m'arrivait auprès de lui de contester cette vision passablement fataliste, et il a fait des expériences pour et avec moi, me montrant en fait simplement, je vais aborder une fille en lui disant que je suis chômeur, ce qu'il était, et dit maintenant je vais l'aborder en disant que je suis ingénieur et puis que regarde, je suis avec mon copain français, etc., qui est très sympa, et j'étais bien obligé de constater que la réaction n'était pas tout à fait la même. Et que donc cette perception subjective correspondait bien à une situation objective de relégation sur le marché matrimonial. Et il me semble que c'est parce que si la course peut être à ce point attirante pour les coureurs, pour ces jeunes, pardon, c'est parce qu'elle constitue finalement une réponse à cette situation d'impuissance sociale. Et comme il y a ce travail de marquage par l'institution, eh bien, ils en viennent rapidement à envisager la course finalement comme une voie de salut. dans le livre, j'évoque le cas de Brahim et la façon passionnée dont il évoque ses débuts. Et il me semble encore que son exaltation ne prend sens que par rapport au fait que ses premiers succès l'ont tiré de la situation d'indifférence dans laquelle il évoluait jusqu'alors. Il était milieu populaire, il avait des résultats scolaires moyens. C'était en plus un garçon plutôt chétif et dominé dans les joutes de virilité avec ses pères. Et finalement, à travers la course, il se découvre une manière d'exister aux yeux des autres notamment. Il raconte aussi, il dit, ben, en fait, j'étais un maigrichon, et maintenant, ben, en fait, grâce au fait que je sois maigrichon, ben, en fait, ça me permettait de courir vite. Voilà. Et donc, la course devient l'objet d'un investissement qui dépasse de très loin la seule course. Et il s'agit, à travers la course, de se réaliser. Alors, quand je dis se réaliser, ça peut laisser entendre, enfin, il ne faut pas l'entendre sur le mode psychologisant du développement personnel, hein. C'est plutôt, finalement, c'est bien la question du sens de l'existence sociale de ces jeunes qui est en jeu. Alors, vous avez peut-être pensé que, ici, j'exagère un petit peu, mais pour prouver que non, en fait, je peux faire référence au mode d'engagement qui est celui de ces coureurs, qui, dès qu'ils commencent la pratique, eh bien, c'est entraînement tous les jours, voire même deux fois par jour, et dès qu'il y a quelques succès, c'est abandon de l'école. Et donc, en fait, c'est bien l'idée de dire, moi, je suis coureur. Et donc, très rapidement, ils ne se définissent plus que par la course à pied, et un nombre non négligeable des copains du quartier, sur leur carte d'identité, à profession, ils mettaient coureur. Donc, ce qui dénote bien, en fait, que du point de vue, en fait, donc, ils estimaient que voilà, c'était une identité valorisante, et c'est comme ça qu'ils se définissent. Et c'est en cela, je pense qu'on peut dire que la course s'inscrit dans une quête ou dans une course de la dignité, pour reprendre le titre que j'ai donné à la communication du jour. Et il me semble que la course devient, au départ, c'est peut-être un levier par lequel ils aspirent à pouvoir sortir de leurs conditions, mais il faut bien voir que c'est pas ils n'ont pas une logique instrumentale, ils ne disent pas « je vais courir pour devenir autre chose », puisque finalement, leur mobilisation intime dans ce sport devient très rapidement tellement grande que la course finit par devenir un but en soi dont la réalisation devient indissociable de la quête plus générale qu'elle sert, c'est-à-dire exister, quoi, voilà, si je le dis en un mot. Et il me semble que donc la course les sort, ou en tout cas leur offre l'illusion de les sortir de leur situation d'impuissance sociale, à leur confère une raison d'être, notamment parce qu'elle leur permet d'exister aux yeux des autres. Donc les autres, c'est qui ? Bon, c'est la famille. Alors quand bien même les parents peuvent ne pas voir d'un très bon œil le fait qu'ils aient arrêté l'école pour courir, néanmoins, la course est un lieu dans lequel mon gamin pense qu'on ne fait pas de conneries, et puis il y a cette idée, peut-être qu'il viendra un champion, etc. Donc ils peuvent trouver un soutien familial, mais aussi ils existent aux yeux du groupe de pères. Et ils existent aussi aux yeux des filles et des femmes de leur âge. Et comme le disait un enquêté, hein, je le cite, « Ah bah ouais, depuis que je cours, ça marche mieux. Elles voient que t'es un mec sérieux, que t'es pas un mec qui traîne. Et grâce au cross, tu fais des cours, tu voyages un peu, et elles voient que tu vas peut-être être le nouvel Awita, alors elles te regardent. » Donc, on voit que, voilà, à travers la course, il y a bien question de se valoriser, et se valoriser à travers le regard des autres. Alors ceci dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, il ne s'agit pas de considérer que c'est uniquement le regard de leur congénère féminine qui importe, hein, si tel était le cas, il y aurait sans doute beaucoup d'autres pratiques à investir, mais que globalement, ça participe d'un ensemble, et la course, globalement, hein, contribue à les sortir de leur situation d'insignifiance sociale, et leur confère une raison d'être, ce qui signifie que courir signifie bien plus que courir. Concernant les athlètes masculins, donc on peut considérer au final de cette partie, hein, que la course s'inscrit dans une entreprise plus générale de restauration d'un honneur masculin, dont on connaît l'importance dans la société d'Afrique du Nord, un honneur masculin qui est mis à mal par ailleurs. Et finalement, le sport leur permet de se restaurer une raison d'être, et ce qui est d'autant plus important que toutes les bases qui fondent d'ordinaire la domination masculine dans un pays comme le Maroc, eh bien, sont singulièrement ébranlées. Et donc, investir dans le sport est une façon d'être un homme, un vrai. Ceci étant dit, il faut bien voir que tous les athlètes ne sont pas également enclins à s'investir corps et âme dans la pratique. Il y a des préconditions à l'entrée dans la pratique routinière, quotidienne de la course. Pour le dire autrement, on peut repérer une inégale capacité à s'investir durablement dans l'ascèse qu'exige la course. Alors, premier élément important a trait à leur vécu scolaire, ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement. Alors bien sûr, il y a la fonction de sélection que jouent les courses scolaires, à défaut de laquelle il n'y aura jamais eu de course, mais au-delà de cette fonction de sélection, il y a aussi le fait d'être scolarisé, il me semble, joue sur la possibilité d'être coureur du fait de l'économie temporelle à laquelle l'école socialise. En gros, l'économie temporelle de l'école est la même que celle de la course à pied. En gros, le principe, c'est de différer la satisfaction en vue d'une réussite future. Il s'agit, hein, comme le disent en substance les athlètes, de travailler dur aujourd'hui pour être performant demain. Et voilà, donc, du point de vue de l'ordonnancement temporel, on est bien sur des économies identiques. Et quand bien même ils arrêtent l'école pour se consacrer à la course, en fait, bah, ils prolongent symboliquement l'école en investissant un espace qui est régi par le même ordonnancement temporel. Vraiment, l'idée, hein, de l'athlétisme, c'est vraiment, et en tout cas ils sont socialisés sur ce modèle-là, c'est s'entraîner au long cours pour être performant le temps de la compétition venue. Donc quand j'ai s'entraîné au long cours, en fait, contrairement au football dans lequel il y a un match tous les dimanches, l'athlétisme, en gros la saison compétitive c'est l'été, et on s'entraîne toute l'année pour être fort l'été. Alors il y a aussi une saison compétitive hivernale, mais elle est considérée comme moins importante. Donc il y a vraiment cette idée d'un entraînement au long cours pour être performant le moment venu. Une autre précondition à cet engagement à une pratique routinière de la course à pied, on retrouve ici des choses similaires à celles que met en évidence Loïc Vacan dans son livre sur la boxe. En l'occurrence, ce ne sont pas dans les fractions les plus déshéritées des milieux populaires que se recrutent ceux qui vont s'engager corps et âme, pour reprendre le titre de son livre, dans le sport. Un tel investissement suppose en effet un minimum de ressources et de régularité dans l'existence quotidienne. Et ici, l'idée, c'est bien de rompre avec une vision homogénéisante des milieux populaires et de s'intéresser aux petites différences qui traversent les milieux populaires, des petites différences qui peuvent paraître imperceptibles, des petites différences initiales qui, au final, peuvent engendrer de très grandes différences. Alors, c'est quoi ces différences? Alors, ça peut être des différences d'ordre matériel. Quand on s'entraîne deux fois par jour, eh bien, c'est mieux de manger à sa faim que de ne pas manger à sa faim. C'est quelque chose de tout bête, mais voilà, il y avait un copain là, du quartier pour lequel ce n'était pas le cas et qui tombait régulièrement dans un état de fatigue un peu chronique parce que voilà, il n'avait pas suffisamment à manger. Mais au-delà de ça, c'est aussi le mode d'ordonnancement familial, du quotidien familial et le rapport au temps qui en découle. En l'occurrence, là j'ai pu le vérifier empiriquement, hein, ceux qui peuvent s'engager durablement dans l'ascèse que suppose la pratique intensive de la course à pied, eh bien, sont ceux qui ont grandi dans des familles stables, notamment et du point de vue de l'ordonnancement temporel. Je vous donnerai quelques exemples après. Ceux qui ont un quotidien structuré, réglé, eh bien, avec des horaires notamment, sont capables de s'engager plus durablement. En gros, et aussi des familles dans lesquelles il y a un rapport, on va dire, projectif à l'avenir. C'est des enfants qui grandissent dans ces familles-là sont capables de s'engager durablement dans la course à pied parce que, ben, en fait, ils entrent aussi dans une économie temporelle qui est celle d'accepter en permanence de différer sa satisfaction présente en vue d'une gratification ultérieure de rang supérieur. Donc, en fait, il y a encore une logique d'économie symbolique. Et il s'avère que les familles dans lesquelles on retrouve ce type de comportement, les configurations familiales les plus favorables à l'émergence de ce type de socialisation, eh bien, ne se distribuent pas de façon aléatoire. Globalement, on peut mettre en évidence trois dimensions qui sont souvent reliées. Première dimension, c'est celle du salariat féminin, enfin du salariat maternel, paraître très éloigné de la course à pied, mais tous ceux qui étaient susceptibles de s'engager durablement avaient en commun d'avoir une mère salariée. Qui dit mère salariée dit des horaires fixes, parce que voilà, dans l'économie des rapports sociaux au sein du couple, c'est la mère qui fait à manger, donc salariat féminin dit heure fixe, et dit donc cadre temporel, et quand on s'entraîne deux fois par jour, eh bien ça peut être pratique. Voilà, je vais le dire sur un mode tout à fait trivial ici, mais quand le vendredi après-midi, l'entraînement, donc sachant que vous allez manger le couscous le midi, si le couscous a lieu entre midi et 14h, c'est possible pour l'entraînement de 17h. Si le couscous a lieu à 16h, l'entraînement de 17h est de fait rendu difficile, voilà, pour des raisons simplement digestives. Mais au-delà de ça, on pourrait dire c'est tout à fait secondaire, c'est du point de vue du cadrage temporel que cela induit. Autre caractéristique des familles, c'est des situations de mobilité sociale. Alors ici, c'est des micro-mobilités sociales. C'est bien sûr, c'est tous des milieux populaires, etc. Mais, et encore une fois, c'est l'intérêt du travail ethnographique qui permet de connaître les parents, éventuellement, donc faire des entretiens avec des parents, connaître éventuellement les grands-parents, etc. Et donc, des familles qui sont plutôt sur des micro-mobilités sociales. Ça reste des milieux populaires, mais en gros, il y a une pente qui va, qui monte. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on regarde les travaux sur la question de l'ascèse, généralement, et notamment chez Bourdieu, dans la distinction, il tente à référer l'ascèse à ce qu'il appelle la petite bourgeoisie culturelle. Voilà, donc c'est souvent réservé, et dans d'autres travaux, aux classes moyennes en ascension sociale et aux classes supérieures. Mais se pose la question d'une ascèse populaire, en fait. Ça peut exister, mais Schwartz, je trouve, n'est pas très clair là-dessus. Lui, ça serait plutôt une ascèse contrainte. Voilà, si on veut pouvoir manger jusqu'à la fin du mois, eh ben, il faut s'organiser pour diviser le budget en 30 ou en 31. Je caricature un petit peu, mais il y a un petit peu ça. Là, je pense qu'on a une ascèse davantage projective, qui n'est pas que subie, et qui a à voir avec la pente. Et d'ailleurs, Bourdieu, dans la distinction, évoque cette idée que finalement, c'est peut-être pas tant la position sociale qui importe, mais que la pente sur laquelle on est. Et que globalement, voilà, donc là, on a des gamins qui prolongent la pente familiale. Et troisième dimension, sont des familles dans lesquelles ils sont régis par une éthique du travail. Voilà, une éthique du travail qui est très présente. Alors, là, j'ai fait un entretien que je mets dans le bouquin avec le père d'un athlète qui cet extrait d'entretien dénote un rapport très volontariste au travail. Et c'est marrant, sur cet entretien, il dit « Moi, mes fils, c'est des cons, ils sont cons de courir parce qu'ils font quelque chose de trop dur, etc. Et ils auraient mieux fait de s'engager dans un espace de pratique qui était moins dur, plus valorisant, mais il dit, mais même s'ils sont cons, en fait, je suis fier d'eux, parce que au moins ils en veulent, etc. Il dit, nous, on est comme ça dans la famille, voilà, je ne sais plus comment il dit directement, il dit, nous, quand on a bien travaillé, on est content de nous, et que après avoir bien travaillé, même que tu nous donneras à manger du caoutchouc, on serait content de le manger, parce qu'on le mérite. Voilà, donc, ce genre de rapport. Donc, voilà les conditions sociales qui peuvent sous-tendre la 16. Toute chose égale par ailleurs, si on peut parler comme ça, il y a une autre source de différenciation qui doit être envisagée. C'est pas tout à fait la même chose d'être un garçon ou une fille. Et il est tout à fait clair et net que les parents sont beaucoup plus enclins à laisser un garçon s'investir dans la pratique qu'une fille. Et ici, les choses relèvent d'un registre moral sur ce que l'on peut laisser faire à un garçon et ce qu'on peut laisser faire à une fille. Et bien sûr, ça pèse très notoirement, et ça délimite très fortement ce que les unes et les autres peuvent faire. Et j'évoque dans le livre à quelles conditions une jeune fille peut être autorisée à pratiquer. Et globalement, ce qu'on peut en tirer, c'est que finalement les préconditions à réunir pour une jeune fille sont plus nombreuses que pour un jeune garçon, et que de fait, eh bien, les configurations familiales favorables à l'investissement dans une pratique routinière de la course à pied sont plus rares chez les filles que chez les garçons. Pour terminer, je voudrais évoquer une dernière dimension qui est relative à la concurrence entre ce qu'induit l'ascèse athlétique et les formes ordinaires de la virilité populaire chez ces jeunes athlètes masculins. Alors, pourquoi parler de concurrence entre ces deux éléments, quoi, donc entre on va dire, le style de vie athlétique et le mode de vie habituel? Et en fait, c'est précisément parce que je pense que dans les deux cas, ils participent de styles de vie différents. Alors, si on prend la définition que donne Weber de l'ascèse, il l'a défini comme, je cite, un rejet de la jouissance ingénue de l'art et de la vie, un rejet de la légèreté, de l'oisiveté, du gaspillage d'argent et de temps, de la culture de l'érotisme et de toute autre vaine activité détournant de la focalisation traditionnelle sur la volonté et la gloire de Dieu. Donc, si on applique ça à la ascèse athlétique, l'idée, ça serait de dire voilà, que c'est un style de vie méthodique et réglé, tout entier, tourné vers la production de la performance. Et qui tendrait à mettre à distance tout ce qui s'éloigne de ce but. Bien, le fait est que ce style de vie, qui est valorisé par les entraîneurs et dans lequel un certain nombre d'athlètes entrent, eh bien, s'oppose au style de vie antérieur des jeunes de ces jeunes de milieu populaire, et qui, et ce style de vie, hein, notamment du point de vue du rapport réglé au temps qu'il impose, eh bien, s'oppose à ce qu'on peut appeler, avec Stéphane Beau, au temps élastique du quartier. Stéphane Beau, à travers ça, désigne le fait, en gros, sur les jeunes de pied d'immeuble, voilà, un rapport au temps élastique, donc, qui ne consiste pas à faire de chaque seconde quelque chose qui participe d'une amélioration de la seconde qui précède. L'enquête ethnographique de longue durée permet eh bien, de mettre en évidence que l'investissement dans la pratique athlétique conduit à un détachement progressif de la sociabilité de quartier. Et une sociabilité qui, sur le plan pratique, avait au moins deux incidences. Donc cette sociabilité de quartier et la socialisation qui l'accompagne est solidaire d'un rapport au temps particulier, hein, ce que je disais à travers le temps élastique. Ce que, vu de loin, on peut appeler finalement une sorte de glandouille, quoi, voilà, très, très rapidement, et qui, moi, de manière ethnographique, m'était assez souvent insupportable, en fait, parce que voilà, je passais du temps avec eux, et je me disais, voilà, mais j'ai encore 3 heures de transcription à faire ce soir, qu'est-ce qu'on perd comme temps, etc. Mais qui, en fait, quand on approfondit un petit peu, ces heures qui, en apparence, sont des heures passées à discuter, à glandouiller, etc., à ne rien faire, eh bien, en fait, il se joue beaucoup de choses. Ce qui s'y joue, c'est la construction et le maintien d'un réseau de solidarité, un réseau d'entraide. Et comme c'est des jeunes qui vivent avec 2 francs 6 sous, eh bien en fait, c'est hyper important en fait. Et du coup, ce que à première vue on peut imaginer comme étant une pure perte de temps, dans les faits, c'est un peu plus compliqué ça en tout cas. Et ces formes de sociabilité s'accompagnent aussi de formes de grandeur et de valorisation qui lui sont propres. Donc ça va être quoi? Ça va être le sens de la débrouille, qui va être extrêmement valorisé. Ça va être aussi, une forme de panache et les conquêtes féminines qui participent, donc qui sont les trophées les plus valorisés dans ce type de sociabilité. Et maintenir ces prérogatives dans ce mode de sociabilité et de relation demande du temps. Et précisément, entrer dans la pratique athlétique, notamment de le faire de manière intensive et voire ascétique, eh bien, conduit de fait à concurrencer ce style de vie et à le mettre à distance. Et pour revenir, donc il y a une mise à distance qu'on peut objectiver. Je l'ai fait pour quelques athlètes et que j'ai vu évoluer, donc notamment un athlète lors de mon premier séjour au Maroc n'était pas coureur et est devenu coureur lors de mon second séjour, et j'ai pu voir donc à mesure voilà, que son réseau de copains avait changé, son mode de vie avait changé. Mais néanmoins, cette mise à distance est rarement totale. Ne serait-ce que parce que les coureurs continuent de vivre dans le quartier, et aussi parce que le temps d'entraînement n'occupe qu'une partie de la journée. Et il y a donc pour eux une nécessaire cohabitation entre les deux styles de vie, que j'ai décrit très rapidement, et entre les deux formes de grandeur qui y sont associées. Et globalement, les coureurs, on va dire, sont obligés de jouer sur les deux tableaux, et en tout cas de passer régulièrement de l'un à l'autre. Alors, raisonner ainsi conduit, hein, vous l'avez compris, je pense, à mettre en cause les analyses qui font se cantonner au discursif. Enfin, moi, je me suis plus intéressé aux pratiques, à ce que ces jeunes font au quotidien. Et ça consiste aussi à remettre en cause les analyses qui tentent à surestimer le champ d'extension de la ascèse constatée dans un domaine donné. C'est-à-dire, là, par exemple, si, encore une fois, je pense notamment au travail de Vacan, qui donc, étudie des jeunes boxeurs noirs du quartier, du ghetto noir américain de Chicago, qui deviennent boxeurs, et montre que, à mon avis, il surestime l'emprise de la boxe dans les conduites de vie des boxeurs qu'il étudie. Alors, c'est un travail remarquable, hein, si je le critique, parce que je pense qu'il mérite d'être discuté. Hein. Et il me semble qu'il va trop loin quand il considère que la boxe contamine toutes les sphères de l'existence. Là, il postule finalement une adéquation parfaite entre l'habitus populaire de ces jeunes et l'adoption d'une conduite de vie cohérente et tout entière orientée vers la boxe, ce qui est tout sauf évident, et à mon avis, il faudrait expliquer ce qui amène ces boxeurs à accepter toutes les contraintes alimentaires, notamment, qui sont a priori si contraires au goût populaire. De même, quelque chose, mais ça je trouve que c'est assez passionnant, dans Vacan, il explique aussi qu'ils se mettent des crèmes, etc., etc., qui a priori est éloigné de la masculinité populaire. Donc, voilà, quel est le travail qui est nécessaire pour que ça soit possible. Et puis, en plus, bon, bref, je pourrais critiquer autrement Vacan, mais peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur mon propre travail de terrain, et on observe aussi ça, par exemple, on a parlé tout à l'heure de Frédéric Razera, son ethnographie des footballeurs professionnels, c'est un peu la même chose, c'est que l'extension des conduites ascétiques n'est pas totale. Et dans le livre, je décris, hein, dans une longue note ethnographique, où il y a un des coureurs qui fume, en plus c'est juste, on est dans la même voiture, on va au championnat du Maroc de cross, et lui dans la voiture fume, donc les gens qui râlent, ils disent « Ah non, tu peux pas fumer, je t'en rends courir, etc. » Et lui conteste, au nom d'une définition très située de la virilité, qu'un vrai mec peut faire ce qu'il veut, que c'est pas ça qui va l'empêcher d'être performant, et finalement il se définit comme un dur qui refuse de se soumettre aux règles, quelles qu'elles soient, et donc aux règles notamment athlétiques. Donc il refuse de se soumettre à ce qui est perçu comme une docilité coupable à l'égard des normes athlétiques édictées et qui enjoignent les coureurs à être sages et modérés. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu observer ce même athlète dans d'autres scènes, et dans des scènes dans lesquelles il était le seul athlète de la bande. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'il surjouait l'athlète. Donc, quand il est avec des athlètes, il surjoue la virilité, un certain mode de virilité, et quand il est avec d'autres, avec des non-athlètes, il surjoue le côté athlète. Et donc, il me semble qu'on a affaire finalement à deux registres et à deux formes de masculinité populaire qui cohabitent et que ces athlètes utilisent au gré des situations auxquelles ils sont confrontés. Donc, si j'indique cela, c'est pour suggérer qu'il faut, hein, me semble-t-il, éviter de considérer qu'il y aurait une forme de masculinité ou de virilité propre à un groupe social donné, et qu'il faut à l'inverse essayer de réfléchir à la façon dont des différentes formes de masculinité peuvent cohabiter au sein des pratiques d'un même individu. Et dernière chose, hein, le fait que je parle de pratique dans cette dernière phrase, et que globalement, dans l'ensemble de l'exposé, je me suis attaché beaucoup plus, je me suis seulement attaché à décrire des styles de vie et des pratiques, mais c'est bien sûr pas hasard, parce qu'il me semble que c'est par la question des pratiques qu'il faut essayer d'attraper les questions du populaire, les questions des rapports sociaux de sexe, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.